Il y avait toutes sortes de corps d'armée qui passaient, il y avait des cavaliers, il y avait des cyclistes, il y avait des fantassins, enfin ça changeait sans arrêt, pour nous c'était une aventure. Alors on avait fait l'exercice avec les soldats, on les accompagnait quand ils partaient, on allait les chercher quand ils arrivaient, c'était formidable, on vivait avec eux dans les cantonnements, on mangeait avec eux, enfin c'était quelque chose de vraiment...